Prise acquise d'un mois en suspens, rétro-réalise d'un passé au présent. On synthétise nos idées d'enfant jusqu'à ce qu'on s'enlise avec nos parents. Prise acquise d'un mois bien au fond qui me réalise en nouvelle version. Je m'analyse tout le trou du fion jusqu'à une crise vers la dépression. Je un verre ou deux va que je me sente bien, pour peu qu'il y ait un lendemain. Si tu veux m'aider, bah offre-moi du vin. Verse peu mieux que mes dessins, un crayon ou deux, art thérapie chemin. Pour peu qu'il y ait une peau si j'ai faim, je veux bien mourir si crever fait du bien. Je fuis le silence, je préfère boire sous licence. Ranger, s'effacer sur le champ d'un cerf qui vous souhaite un bon anniversaire. Sa peine si pleine, mon cerf est toujours à la traîne. J'ai jamais su nager. Solide, mes genoux, on nage solide sur les pages. À tourner d'un seul coup. Dérive en rage, salive sans ancrage. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un chien fou? Je fuis le silence, je voudrais ma.